suis deuxième de K.O. Mike, il se massait le featuring. Pour mon flow j'ai samplé la mort, vu que je lâche une petite tuerie. En fait c'est assez simple, ici y'a rien de sain. Deux os dans tes enceintes et le rap a son vaccin. Écoute bien les paroles, on ne parle pas de CLS, c'est pas LA. Tous les autres manquent la forme. Le message n'est pas clair, ça parle trop de gangstérisme. Ils salissent le hip-hop dans le seul but de vendre des listes. Ils fantasment, ça les fait bander comme Cheryl Cole. Mais tout ne se mélange pas comme whisky et cherry coke. Moi je vise à l'une, j'ai pas besoin que la NASA m'aide. Je dis qu'on fonce comme moi et pas au Jésus de Nazareth. Évite les regrets et t'atteindras ton but. Que caresser ses rêves comme les meufs donnent mal aux burnes. Avec Ismaël, du génocide par Allemagne. La sauce est trace, instru deuxième, fonce des à la lemon. Et penser, parfois ça peut flancher, mais croyez-moi, je m'investis. Parfois, plus d'accord avec ce que j'avais pu dire. Le plus dur, garder les idées claires sur ce qui nous entoure. En concert, si les gens prennent la peine de se déplacer, de m'écouter, je peux pas me permettre de leur dire de la saleté. Insulter, c'est facile, mais faut assumer ce qu'on dit. Faire s'il est joué les bandits, moi je comprends pas que ça fascine. Petit le peur à m'affiler tellement de tuyaux sur la vie. Mes grands frères étaient dans mes CD cassettes. MC Griot, d'une société bizarre. Le HH crache la rue avec style et brio. J'crio, secours pour la première fois dans un mic, grâce à NCA de gomme, j'oublie pas man. Je voulais faire mal, je pensais qu'on changerait le monde. Puis j'ai compris que c'était pas ce qui intéressait les ondes. Je le fais car j'aime trop ça, je pèse le pour et le contre. Je serai l'avocat de la zig si y'a procès. Envoie les bonnes phases, le gros son. Chut. Laisse juste, j'apprécie.